J'aime ton sourire quand il suit la vague. Je me sens bien. Je vais dormir, m'écrouler dans le zag. Je vois plus rien. Je te rejoins dans ta blessure qui m'ouvre les bras. Destin comme des morsures tout le long des bras. Nous allons partir, voyager sans airbag. Mon risque est le tien. Nous allons mourir, peut-être sans blague. Ça dépend d'un rien. Je te rejoins dans ta blessure qui m'ouvre les bras. Un destin comme des morsures tout le long des bras. Nous allons finir pour un dernier tag. Restant sur notre fin, peut-être mourir en plein flag d'une descente un matin. Je te rejoins dans ta blessure qui m'ouvre les veines. Un destin comme des morsures le long des veines. Un destin comme des morsures tout le long des veines.